Et nous autres, les concepts, on a déjà de la difficulté à s'imaginer. Imaginez-vous, en plus, deux fois imaginer. Est-ce que ça peut passer là-bas? Tout peut passer. Oh! C'est comme à CKRL, hein? Tout peut passer. Non. Tout peut passer si on veut que ça passe. Oh! Si vous voulez pas. Ça passe pas. Oh! Ça, la semaine dernière. Oui, c'est deux. Il y a deux semaines. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec les ondes? On les ramasse, on les met dans un petit paquet, et après ça, ben, on les envoie à plein d'autres cellules qui, eux, peuvent pas capter ces CKRL. Oh, comment ça, ils peuvent pas capter ces CKRL? Ils sont pas membres. Oh, y a-tu beaucoup d'Elohim qui sont membres de ces CKRL? La majorité. Oh. Combien vous êtes? Premièrement, c'est un pays, l'Elohim? Mais non, c'est des races d'individus. OK. Et ça, là, ça. Avez-vous remarqué qu'il y a un public attentif, là, parce que c'est la première fois que. C'est toujours la première fois à l'errance rébeldienne. Ça, c'est vrai. Là, au Québec, il y a pas mal de soucoupes. Oui, mais elles sont pas volantes. Ça, c'est vrai. Mais elles sont violentes. Très violentes. Mais ça, c'est la composition chimique. Enlève la composition chimique. Qu'est-ce qu'il reste? J'ai pas passé l'examen. Ah, mais il n'y a pas d'examen à passer. Oh. Alors, je dois sur le souffle? Oui, sur le souffle. OK. Vous avez cherché? On ne cherche pas, nous. On a déjà tout trouvé. Oh. Et ça, j'en connais plein dans le quartier Malfamy de Limoilou qui ont tout compris de la vie. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, il faut faire attention à ce monde-là. Là. Oh! Ils captent tout, ils comprennent tout. Ah, c'est les plus dangereux. Oui, mais ils n'ont rien à voir avec nous. Ça, c'est vrai. Je ne veux pas non plus vous mêler parce que c'est la première fois qu'on peut... Vous entendre? Oui, vous entendre. Allez-vous venir, non? Arrête de dire premièrement. OK. OK, parce que sinon... On va te couper. OK. Oh! On m'a déjà coupé mon chèque de bien-être social. Oui. Pourquoi? On a parlé. Oh. Pouvez-vous en couper quelques-uns? Oui, on travaille là-dessus. OK. Oh, merci. Ah, on a le présenté. Oh. On dirait que tu as une petite voix de plouch. Flouch. OK. Bon, alors, un Elohim est-il un flouch? Je ne réponds pas. OK. Pourquoi la réverbération? Ben, on l'a choisi comme ça. OK. On peut pas revenir là-dessus. On peut pas. OK. Là, c'était quoi la question tantôt, là? Moi, je ne rappelle plus. OK. Alors, vous revenez si vous voulez? Si on veut. OK. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. C'est beau, hein? Merci. Vous êtes touchant. D'accord. OK. Bon, alors donc... on va te couper. OK. Et puis alors donc, puis au revoir, puis salut. Bon, est-ce qu'on peut faire une émission normale? Pendant qu'ils sont partis, là. Ben, ils sont pas partis, ils sont toujours là. Ils sont présents, ils gravitent. Ça fait peur, cette affaire-là, hein? Hey, c'est la première fois de ma vie que je rentre en communication. Speedbird a tenté. Nous, on a atteint la cible. On n'a pas peur, hein? On est comme puissant. Et puis, mon cher Réal, oui, vous êtes puissant devant les puissances. Oh, beau. Ça a toujours été, oui, ça, c'est vrai. Oh, ah, oh mon Dieu, pas encore exterminateur. Oh, mon Dieu, vous venez pas exterminer les élos. On veut pas parler trop fort, là. Monsieur, l'exterminateur, êtes-vous ici pour ferme la porte, Jean-Luc. Ferme la porte! Bon, hey, mais on sait jamais, il peut t'arranger avec lui et avec eux, parce que on sait pas. Hey, Johnny! On l'a fait, ça, la semaine dernière. Oui, mais Johnny! Décroche-toi de l'antenne de CKRL, les ondes passent plus! Tu frises! Ah, angoisse! Tu ressembles au premier sinistre du Québec! J'en veux plus! On le connaît, j'en veux plus. pareille. J'ai vu Jean-Luc, là. Vous savez, Jean-Luc, l'animateur d'une émission étrange venue d'ailleurs, là, pas celle des Elohim, là, mais ce gars-là, là, il fonctionne beaucoup mieux sous la presse, sur la bière pression que sous la pression. Ah, j'ai l'impression qu'il dégusterait ça jusqu'à la fin de ses jours. Quoi, la pression? Non, la bière pression. Oh! Fontaine? Ah oui, la bière fontaine pression. Ah, mais Monsieur le Président! Monsieur, il n'est pas trop catholique. Mesdames, il n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Il est là. Il fait acte de présence par son physique. Pas son mental. Oh non, pas son mental. Il est assez absent, mais... En fait, sa masse corporelle remplace tout. C'est comme ma poupée gonflable. Ah, oh, ça remplace tout. L'émotivité, la sensualité, la sexuelle. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. L'absurde aventure... Hey, monsieur, t'entends-tu? L'absurde, oui. L'exterminateur. Oui, monsieur, oui. Il y a de la coquerelle. Il y a de la coquerelle juste en bas de la chaussure à Gaétan. Parce que il faut dire que l'hygiène, Gaétan, elle connaît pas ça. Hein? C'est le genre de femme là qui porte les mêmes souliers depuis 22 ans. C'est des souliers très robustes qui ont été utilisés par des militaires allemands et qui, encore aujourd'hui, font partie d'une longue lignée de chaussures que les punks placent dans leurs pieds pour ainsi donner des coups de... Alors, ça sent la morue, mon cher monsieur. Puis là, il y a de la coquerelle, il y a de la morelle, il y a de la... Comment tu appelles ça, là? Comment tu les appelles? Ben moi, ils viennent tout seuls. J'ai même pas à dire coquerelle, sort de ce trou. Ben c'est pas un trou, c'est des souliers. Ben oui, mais dans le soulier, il y a des trous. Ah, bon. Let's do it. Ah, da, da. Bei Herzfeldes habe ich mal gefrühstückt. In Steglitz oder Wilmersdorf. Mit Wieland habe ich mich gestritten. Mit Wieland, nicht mit John. Ich reichte ihm die Schere, ich kochte ihm den Leim. In keinem Diktionär hat es den Eintrag je gegeben. Nur du und ich, my darling, wir wissen, was es wirklich heißt. Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da. Let's do it, ah, da, da. Ich spielte Schach mit Lenin. Zürich, Spiegelgasse. Ich kannte Jolly Fando höchstpersönlich. Ich hab mit dem Urtext selbst einmal gebadet. Ich spielte mit Anna, spielte mit Hanna. Ich weiß, wo der Kirchturm steht. Ich reichte ihr das Küchenmesser. Ich kochte ihr den Leim. Nee, nee, nee, nee, nee. Loco y Branco. Cabada, cascas, tú. Ulgriliro, ulgifati, esquivo. Avanti. Let's do it, let's do it, let's do it. Ah, da, da. De trous qu'on se demande dans quel orifice les extirper. C'est ça, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité. Quoique, on risque de synthétiser, là, de vous ramener ça à l'absolu 120 minutes et rien de plus. Même pas une virgule, même pas quelques secondes. La véritable chronologie que l'on nous a imposée lors de la signature de notre contrat. On signe des contrats, nous autres. Ah, modo, à Los Angeles. Ils nous ont demandé de faire la première partie de Mary Ballet, la grande Mary Ballet, la chanteuse soprano. Celle qui a les aigus beaucoup plus hautes que les obtus. Celle qui est concave et vraiment pas convexe. Et celle qui se vexe lorsque vous parlez de sa voix si mielleuse. Elle lance très souvent un « derrière la scène et tous ses invités sont comme ça enveloppés par le charme de cette enchanteresse, ce petit « ordon ». Il y a eu un petit problème technique ici au niveau de mon éternuement. Personne ne s'en est rendu compte. On a baissé le son. Oui, mais à la TV. Oui. Sur vidéo, vous allez entendre. Oh non, non, non, non. Vous allez voir, pas entendre, parce que c'est directement sur la console. OK. Je vais dire, un coup pas. On reste comme ça, oui. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Exterminer toute pensée rationnelle. Ah oui. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. Oui, oui. Oui, oui. Oui. On y va, oui. Parvenu. Petite constipation au niveau de l'œsophage. Et ça sort comme ça. Qui télécharge mes émissions? Ça, c'est à l'acteur studio. Oh, on apprend ça, nous. Écoutez bien, écoutez bien. Il faut exterminer toute pensée rationnelle. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. Parvenu. Alors, tu forces vers le haut et tu descends la note vers le bas. C'est les montagnes russes. Ouais, mais là, on n'est pas en Russie, on est dans la TK. Ah, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison, Mme Thibodeau. On a mêlé notre auditoire parce que on n'est pas, effectivement, en Russie. Nous sommes plutôt dans la bouteille de Volga. Les montagnes russes de la bouteille de Volga. Si vous la regardez de près, plus vous l'observez dans un fragment unicellulaire, ah ben toi, t'en as de l'uni. Ah, moi, je suis très uni dans rien. Ah, de quelque chose, parce qu'on arrive par erreur, par par hasard est trop tard. Et la poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris, Paris, ville de nos rêves. Et à Paris, y a rien à faire, juste marcher dans les rues. Ma singularité là, se reconnaît à l'étrangeté de mon cervelet. Oh! Plus étrange que ça, là. Ah, on a de la difficulté à comprendre, à saisir toute l'immensité de mon grand talent. Qui télécharge mes émissions, la caisse t'appose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Ouais, mais là, t'as ouvert plusieurs chemins et t'en as pas. Oui, si je veux parcourir, je parcours, moi. Je fais comme je veux comme je fais comme je peux comme je l'ai. Mon lait, je le bois comme je le veux, et si je le veux pas, je le l'ai pas. Mais moi, un litre de lait par année, là, c'est amplement. J'aime pas ça, les... J'aime pas ça, moi, quand c'est bon pour la santé. Oh, tant qu'à mourir, là, mourons dans le gras. Mourons dans tout ce qui est pas naturel. Sombrons dans la jouissance et dans le plaisir. Soyons des fatalistes. C'est ça, des fatalistes. On peut pas dire autrement. C'est à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? À quoi bon? À quoi bon? Non, c'est bienvenue. Bienvenue! Oh, bienvenue dans mon égalité. Oh, il n'y a pas de... Oui, on a la caracasse. Oh, bienvenue dans la vie pampoute. Oh, il n'est pas là. En nous, le monde, mais il est là, il est là! S'il n'est pas là, on va aller le chercher. Là. On va le prendre. On se doit de prendre tout ce que l'on veut, tout ce qu'on peut, puis tout ce qu'on a. Si on n'en a pas, on va en avoir. Moi, je veux juste en faire un petit appel, là. Hein? C'est pas compliqué, moi, là. Hey! Hein? Allô, la signale. Gertrude, t'as juste ça à faire, là. Je t'invite, là, à faire 120 minutes d'émission, tu restes assis dans ton fauteuil presque déroulant d'humour. Hein? Ne je ris pas, moi, là. C'est des spasmes. Ah oui, sinon, moi, regarde, j'ai la jubulaire qui descend vers le bas, puis la grégolaire qui monte vers le haut, puis à travers ça, il y a tout un amalgame. Qu'est-ce que ça veut dire? Amal. mal partout. Ah, oh, je me suis levé. Ah, mal, ah, mal, ah, mal. T'as-tu de la... Non, j'en ai pas de la... Oh, mon... T'attends des lettres d'amour. Ah, oh, que des lettres d'amour. Sur Hotmail, c'est mon courrier, c'est que des blancs, mais... Pourquoi t'as pas été diffusé? C'est les Elohim. Pourquoi les Elohim? Ils nous cherchent. Ils vous ont trouvé? Oui. Rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. Une Errance Rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, oh, la belle Barbara. Quand l'orgue de barbarie sous les ondes de... On m'a chouraré ma poudre à parasite. Il y a peut-être quelqu'un qui m'en veut. Ici, il n'y a personne là, qui est chourave, mais quoique, on a le chou grave, nous. Chou grave. Minuit que tu as. C'est grave, ça. C'est l'heure solennelle où l'âme Dieu est descendu jusqu'à nous. C'est pas l'heure idéale pour punir la date. Punir la date qui ramène dans nos rêves. Hey, mais t'es en train de manger le micro? Ah oui, oui. Hey, peux-tu m'envoyer le ventilateur, s'il vous plaît, turbo? En plus, on appelle ça turbo, mais ça turbobine. Ça turbobine pas beaucoup, hein? Ah, c'est... Ça nous amène... Ah, y a... la babine sur le micro. C'est de l'inconvénient, ça, là. Ça nous amène absolument à rien. On l'a acheté pour le vent, puis... Oh, mon Dieu, c'est... Est-ce qu'on peut discuter un peu avec le ventilateur? Ben là... fait s'arrêter le train. Qui a pressé la gâchette? Qui a coûté la vie du chien? Ce soir je ne serai pas là. Ce soir tu ne seras pas là. Ce soir nous ne serons pas là. Ouais mais tous ensemble. Ouais mais tous ensemble. Oh mon amour. Oh mon bijou. Sur les fleurs flétries, tombent les bombes comme tombe la pluie, tombent les bombes comme tombe la nuit. Ce soir je ne serai pas là, ce soir tu ne seras pas là, ce soir nous ne serons pas là. Ouais mais tous ensemble, oui mais tous ensemble. Oh mon amour, oh mon bijou. Se cache dans les détails, toi tu te caches entre les lignes. La lune coule dans le caniveau, toi tu fuis à tous les niveaux. Ce soir nous ne serons pas là, ce soir vous ne serez pas là, ce soir ils ne seront pas là. Mais tous ensemble, oui mais tous ensemble. Oh mon amour, oh mon bijou. Première fois, Errance Reynaldienne rencontre un article qui doit, par son boulot, nous envoyer du vent. Alors, ici, nous avons le ventilateur. Ça va? Oui. Étrangement, je ne sais pas pourquoi on t'appelle Turbo, puisque tu n'envoies pas vraiment ce que l'on désire comme fraîcheur. Oui. Ici, si on vous place en mode, voilà, tu tournes. Mais le vent sort un peu n'importe comment. Est-ce que c'est normal? Oui, on s'est fait avoir. Si on essaie de te placer au maximum, là, comme là, il y a 0 à 3. 3, c'est, on peut pas avoir plus de vent que ça, c'est vrai? Puis tu n'en tires pas beaucoup. OK. Alors moi, j'ai enlevé de mon portefeuille 3 billets de 10 $ et un billet de 5 $ ainsi qu'un 25 cents, un 10 cents et une cent noire. Et je crois que j'ai fait beaucoup plus de vent en enlevant mon portefeuille de derrière ma fesse gauche pour remettre à la caissière que toi, tu m'envoies ce que j'ai payé comme, malheureusement, rafraîchissement. Comment ça? Ouais. Vous êtes fait à Taïwan, vous? Ah, c'est ça. Ça a été monté un peu n'importe comment, là. Oui. Croyez-vous que l'année prochaine, vous allez être un peu plus performant? Vous fonctionnerez plus. Le moteur va nous quitter. Mais je crois que, sincèrement, là, je vais prendre ce qui vous représente là, en tant que matière et je vais vous tirer sur le mur avant cette période-là. Donc, je risque de briser ce mur et par le fait même de me payer une rénovation qui risque de me coûter plus cher que ce que j'ai investi pour que vous puissiez me donner un peu de fraîcheur en dessous de la zézelle, mon cher Ventilo. Vous avez juste une mission sur Terre, c'est pas compliqué, là. On vous demande pas de chanter. On vous demande pas de crier, on vous demande pas de refaire le monde, on vous demande de rafraîchir un errant renadien. OK, merci. OK. Premièrement, là, c'est vrai, j'ai arrêté le premièrement parce que les Elohim, vous connaissez pas ça, les Elohim. Donc, vous n'êtes pas branchés trop, là. Ah, vous avez eu vent de. il a eu vent. OK. Alors, on arrête ça ici, là. C'était une rencontre assez bizarroïde avec. Oh, vas-y, Gertrude. Oui, j'ai pas vraiment la gorge pour ça. Chemin, j'ai rencontré quelque chose de bien, c'est bien, c'était beau, c'était gros. Et tu t'es pas envoyé, qu'à t'es, pis pose dans le coin, pis soin, c'est la fin, la voix, ta coin, pas envoyé, l'on est d'eau, la voix, ta voix. Oh, oh, et tu t'es, oh, oh. Jolie demoiselle, oh, il la la la la la la la la la. Viens de m'aller pour l'embrasser, en dessous du nez, ouais, donc, viens donc. Et tu t'es pas envoyé, qu'à t'es, pis pose dans le coin, pis m'apprendre mon bain, soin, sur le terrain. Oh, tu t'es, oh, oh. Pour l'embrasser, la la la la la la la la la. Vous savez bien qu'à pas refuser, vous non, oh, bah, t'es beau, t'es beau, t'es beau, mais hey, excuse-moi, oh, non, mais continue, puis on va t'arrêter. Vous savez bien qu'à pas refuser, la la la la la la la la. Voici ma chanson terminée parce que je suis fatigué, puis il fait chaud, puis il fait beau. S'accrocher aux étoiles sans jamais revenir. Là, ici, maintenant, attribuons à mon ami. Excusez-moi. C'est le moment émotion? C'est le moment émotif. Émotif, émotion. L'émotion, l'émotif. L'émotif, l'émotion. Ah, mon Dieu. Moi, j'ai des motifs sur mon soucif. Oui. Qui dit, oui, que l'émotion naît en le révélant. Oh, OK, c'est un message sur le chutif. Oui, et c'est un petit cadeau. un tout petit cadeau qui se cache sous le chutif. OK. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait cadeau. OK, un petit cadeau. Oh! OK, qu'est-ce que tu dis? Ben, rien. Non, Monsieur Tremblay, oui! Madame, oh mon Dieu Seigneur, je veux rien savoir de ça. Oh, comment ça? Moi, c'est terminé. Ah, oui, d'accord. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-lui nous suggérer une évolution. Oh! Il y a donc mon oreille. Le son. C'est vrai. Peut-être un peu trop fort. Trop fort, excusez-moi. Êtes-vous dans le fort? Je suis dans le fort. Tombe pas dans le fort, mon Raymond. Tombe pas dans le fort, c'est pas terminé. Mets-toi dans le fort, devant le fort, oui. Comme l'artiste. Objet fragile. Ici. Ah ouais, lâche-le, là, puis laisse-le tranquille. Ben, si tu veux que je lâche, je le laisse tranquille. OK, en revenant de Québec, oui. Oui, OK. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. On va rentrer. Rentrez, madame, c'est ici. Oh, vous avez changé de... Oui, je devais mettre une petite photo de Bukowski, mais là, c'est... C'est une boîte insignifiante dans laquelle je mettais anciennement des couches de mon petit nourrisson. Oh! Et puis... C'est une ancienne poubelle pour les couches de nourrissons. Oh! Alors, j'ose même pas ouvrir. Comment ça? L'odeur du nourrisson. Oh! On y va! OK. Oh, non. Faut que ce soit au crayon plomb. Ah, ben là, toi, là, ben, pour le moment, hein. Mais je vais changer, mais c'est parce que le stylo, c'est vieux. Le plomb, c'est récent. Oh! Le stylo à billes, c'est bien difficile, mais c'est bien plombé que le stylo de plomb. Oh, ouais, le stylo de plomb, toi. Toi, tu connaissais des stylos de plomb? Ben oui. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, j'écris. J'écris quoi? J'écris. Ben non, j'écris. Tu écris quoi? Ouais, c'est ça. Ben, parce que vous avez dit j'écris. Oui. C'est pas j'écris, c'est tu écris. Ben, pour moi, j'écris. Mais vous me dites, tu écris quoi? Mais moi, j'ai... Ouais, on a compris toute la spécificité, toute la complexité et toute l'immensité de ce que tu veux révéler ce soir. Oui, cette nuit. Cette nuit. Est-ce que tu peux baisser? Parce que je crois qu'on est dans les hautes, puis on devrait baisser dans... Non, on laisse ça comme ça. Baisse-toi ici, si tu veux. Ah oui, tiens, comme on peut... Oui, comme ça, c'est merveilleux! Alors, phrase ou titre, on dit la phrase avant. J'entends la sonnette. Moi, j'entends pas la sonnette. C'est plutôt le kang-kang-kang. Oh, on dit on frappe à la porte. On frappe à la porte. Oui. L'exterminateur. Oui, monsieur, bonjour. C'est monsieur Poirier, Gaétan Poirier. Merci. Vous êtes exterminateur. Vous exterminez qui? Parce que là, j'ai Georgette, là, qui est mon épouse depuis 28 ans. Une belle assurance, là. Je veux dire, on divise à deux, là. Après ça, on passe un documentaire, là. Tu es si près. Mais, tu es, non pas tu es si près, mais tu es pas si près. Hein? Concept, là. Et on divise la moitié de notre cachet. T'sais. On devient des vedettes, vous, parce que vous avez exterminé, moi, parce que je vous ai dit d'éliminer. Ouais, ça fonctionne. C'est un bon milieu. C'est un milieu. On s'entend de même. Là. On parle. Bon. Peut-être que ça se fera pas. Puis si ça se fait, ben écoute, on divise. Hein, là, on part. Comment dire, on part. Mais moi, j'aimerais pas ça des balles. Donc, j'aimerais pas ça des balles parce que ça laisse des cicatrices. Là, eux, là, ils vont faire des lobotologies, là. Ben non, c'est des... C'est des quoi? C'est des recherches sur le corps. Ben oui, c'est la déontologie. Ben non, ça, c'est quand... La déontologie, mon cher petit monsieur, c'est lorsque on va voir pourquoi un policier a fait quelque chose de croche dans... De croche ses yeux? Pas ses yeux, non. Ses actes. Ses actes croches. Ses actes croches. Ses actes croches. Ses actes croches. Ses actes croches. Ses actes croches. Ses actes manqués. Oui. Mais en fait, il a... Il a quoi? Il a de la chance. De quoi? D'avoir un flingue. Oh, c'est vrai, parce qu'il pourrait tirer sur... Non. Il a de la chance. OK. On vous laisse la chance. Merci beaucoup. Mais ensuite de ça... Non, la déontologie, là, arrête de dire non, toi, là, puis accouche. Ben, on peut pas, il est à 3 cm. Oh, faut attendre à 10. On a le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... La dilatation se fait bien? Ben non, pas du tout. Bon, ça peut être long. Très long, très, de ce temps-là jusqu'à 10, là, ça peut être une éternité. Oh, on n'a pas une éternité. Mon contrat est de 120 minutes. Oh. On a déjà entamé, puis faudrait accoucher. Ben là, c'est pas comme ça. Césarienne. Ben non. Non. Déontologie, là, c'est que t'as des règlements à suivre. Si tu ne collabores pas à ce que tu dois amener comme qualité de travail, ou si tu subordonnes, si tu vas trop loin... tu dois rencontrer tes pères. Tes mères. Oh non, tes pères, parce que tes mères, là, ils vont te faire manger, puis ils vont dire, oh, pauvre petit, les pères. Oh non, pas comme ça, là, hein. Je t'ai pas élevé de même. C'est comme ça, les pères, pour ça, les gens qui nous dirigent. Oh! Les percolateurs. Les percolateurs. Oh, ça fait du bon café aux percolateurs. C'est très bon café, là. Mais si on pourrait la tuer. Non, non, mais pas avec un fusil par-par, parce que sinon, les percolateurs vont nous percolater la percolature, puis c'est pas le moment, là, hein, puis on n'est pas prêt, puis lui, il garde son mental. Si tu manques ton coup, monsieur, si tu manques ton coup, non, tu vous vois. Monsieur, si tu manques ton... Non, tu vous vois. Tu vous vois ton coup, là. Ça risque d'aller pas très bien. Il est en cours, lui, là. Il va flancher, puis il va dire ton nom, là. Hein. Fait que, exterminateur... Il doit y avoir de la poudre d'extermination qui existe, là. Ben, c'est de la morelle. Oui, de la morelle. On peut tuer de la morelle? Non, c'est de la morale. La morale est là. Oh mon Dieu, si la morale est là, on peut pas. Je ne tuerai point. Oh, ça, c'est la morale. Oh mon Dieu, je ne frapperai point mon prochain. Hein? On ne frappera pas notre prochain. Oui! On ne frappe pas notre prochain. Je ne tuerai point. Ça, c'est la morale. Oh mon Dieu. Le travail, l'allergie, moi aussi. Je brûle les machines, la steam de l'usine, les rouages de la politesse, l'horloge dans l'horloge. Ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Peu d'effort, le travail, l'allergie, moi aussi je peux. L'hiver, je peux moins. Ah, je rencontre un homme sympathique, brillant, un artiste, un puriste, Franck Mas. Alors voici mon ami Franck Mas. Est-ce que je peux me déplacer jusque là? Tu peux te déplacer. Oui, ok, merci. Tu peux te déplacer jusque là? Merci, merci. Bien. Parfait, merci. Salut, Franck. Comment ça va, Franck? Qu'est-ce que t'as canoviste? Comment ça va, frère? Ça va, toi? Très bien, merci. Alors, bonjour. Hey, t'as la pêche? Ben, ça va, tu vois. Ben oui. Ben oui. Mais t'arrêtes pas. Ben, faut pas. C'est comme la chanson de Brel. Au suivant. Quand les suivants vont, on pourrait se tenir la main. Et voilà. Attends, je vais éteindre mon... Je vais éteindre ah, ben, tu peux finir ah, non, ce non. que t'avais... Non, non, non, non. Entrepris. Tout va bien. Et ça, normalement, c'est l'endroit que je préfère ici. En plus, on est à Londres. Oui, c'est ça. Bien. Mais c'est parce que c'est la tranquillité. Là, avec Eric, là, ça... Là, il prépare sa dernière tournée aux États-Unis. Après ça, c'est terminé. C'est qui, ce monsieur? Eric Vincent. Eric Vincent. Oui. Tu peux m'en dire un peu plus? Ben oui. Ce qui est extraordinaire et épouvantable en même temps, c'est un auteur, compositeur, interprète qui fait sa carrière depuis 40 ans, mais aux États-Unis, dans des écoles, dans des collèges, dans des salles un peu baroques. Et il a un succès fou, mais à Paris, enfin, c'est zéro. Mais il a fait aussi partout dans le monde. Là. Il a été au Groenland, il a été en Afrique, en Union soviétique, partout, partout, partout, partout. Il a chopé quelques maladies, problèmes de santé. Ah. Ça. Et donc, là, il prépare ses adieux aux États-Unis. Voilà. Eric Vincent. Oui. Oui, guitare-voix, un homme extraordinaire. Un grand ami de Georges Moustaki, je ne sais pas si tu connais. Ah oui? Oui. D'accord. Grand ami aussi de plein d'auteurs comme Aznavour, Beko. Il a travaillé avec Beko, Aznavour, Brel. Il a fait la première partie de Brel. Donc, c'est le chanteur français le plus méconnu à Paris. Ah, c'est drôle. Non, mais comme ça arrive souvent, hein? Ben oui. Mais en tout cas, c'est eux le problème, c'est pas vraiment Eric, et, Claude, ben, voyons donc, je vais le... Eric, moi c'est ça, parce qu'Eric est un homme très véhément, mais il a commencé dans les années, fin des années 60, ici, puis à un moment donné, il y a eu un déclencheur parce qu'une femme l'a aimé, donc il l'a suivi, et c'est là qu'il a quelle commencé idée, à faire. Mais quelle idée, ben oui, l'amour, hein? Qui est en amour aujourd'hui? Mais quelle idée! Quelle connerie, franchement. Et toi, comment ça va? Non, mais parle-moi de toi un peu. Ah, mais Franck, attends un petit peu. Mas, là, est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille qui fait du vin? Du vin? Oui. Non. Parce que je me procure au Québec un vin qui est fait par Paul Mas. Oui, on en a. Oui, oui, alors. Ah, oh, ben voilà. Oui, mais c'est pas... On l'a acheté parce que mon père s'appelle Jean-Paul Mas, et donc du coup, alors, on l'a acheté... Voilà, mais c'est pas ma famille. Ah, il est excellent. C'est vrai. Ah oui, oui, pas cher. C'est rare, pas cher. Pas cher et beau. Ah oui, écoute, pas cher. Profite. Oui, oui, je profite. Ne t'en fais pas, je profite. Sinon, toi, comment ça va? Ben, ça va très bien. Beaucoup de projets comme d'habitude? Je n'arrête pas. Volontairement? Ah oui, 7 jours sur 7. Pas de congés, pas de vacances? Non. Aujourd'hui, tu es parti sur quoi, là, depuis quelques temps? Alors là, figure-toi que je viens d'aller chercher deux de mes pièces, okay, mais je ne peux pas les ouvrir. Non. Parce qu'elles sont très fragiles. OK. C'est un registre, là, déjà? Ben oui, ou toujours. Pas? Ah. Ben oui. Okay. On ne perd pas une seconde. Voyons, c'est à mon émission, on ne perd pas une seconde. D'accord. qu'est-ce que je peux te dire? Ah oui. En ce moment, je prépare... Tu te souviens un petit peu de ce que je fais? Oui, ben oui, là, tu prends les lettres. Voilà, les mots de la Bible. Ça va, c'est pas là. Et là, en fait... Le grand projet que j'ai, que je mène depuis plusieurs années, tu sais, ça s'appelle... Enfin, je l'ai appelé le degré zéro du théâtre, qui est une entreprise un peu démesurée. C'est rare, hein, dans ton cas, de t'attarder aux choses démesurées. Il n'y a que ça qui soit grisant quand même. Oui, c'est ça, exactement. Qui consiste à essayer de voir quelles sont les possibilités d'interprétation des textes de théâtre autrement que sur la scène. Oui. Et... Dernièrement, j'ai fini... plusieurs cycles. Je suis toujours très gêné de parler de mon travail. Hein. Mais non! Ça mais non. Je sais. Parce que t'es pas habitué. Mais non, je suis pas habitué. Mais tant mieux. Ben, c'est comme une psychanalyse de ton âme. Écoute, j'en sais rien, monsieur. Ben, là, j'ai pas de... Malheureusement, j'ai pas de vie. Je suis toujours hyper gêné. Ben non, j'ai l'impression d'être dans le narcissisme. Ben non, déconcertant, pas du tout. Ouais, pas très agréable. C'est pour ça que je t'invite. Il y a l'intérêt. Puis à un moment donné, on avait parlé lors de notre dernière rencontre, le fait que tu avais été sur scène et tu as chanté une chanson. À poil. Et j'avais diffusé la chanson. C'est vrai? Ben oui, de Sheila. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ah oui, j'étais... Hommage à Galilée. Exactement, je m'étais déguisé en Christ ensanglanté. Et oui, c'est ça. Elle est sans doute contente parce que j'ai acheté la chanson. Ah ben, tu as filé les droits d'auteur, c'est bien pour sa retraite, c'est bien. Ben oui, mais elle le mérite. Ah ben oui, c'est ça. Il faut avoir quand même qui s'occupe d'elle. Je crois qu'en plus, elle s'est fait avoir par son producteur à l'époque. Ah, ouais. Alors oui, pour en revenir, en fait, là, j'ai un esprit un peu retors et un peu... J'aime bien introduire une dose d'humour aussi dans le travail, même si j'espère être sérieux. Mais dans le sérieux, on peut être aussi léger, on peut être drôle. Ah ouais. Et donc, du coup, j'ai capté le souffle de toutes les pièces de Molière que j'ai lu à l'oral et que j'ai emmagasiné dans des conserves. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est fait. Donc j'appelle ça des conserves d'art dramatique. Donc tu as, je crois que c'est 33 conserves qui sont la mémoire orale de l'interprétation des lectures de chaque pièce de Molière. Donc il y a le souffle qui est là, il y a... Comment on fait pour extirper le souffle? Ah ben c'est très simple, je parle dans un bocal et puis c'est okay. Tout. Hein. Et ensuite je ferme et je ferme, c'est tout. Mais les gens qui sont là sur place, regardent le bocal ou... Non, moi je fais tout ça chez moi, okay. J'ai besoin d'être... Non mais lorsque tu exposes, qu'est-ce qu'on... Ah ben écoute, pour moi je n'expose pas, il faut que je trouve une exposition. Okay. Mais... Ça reste vraiment fermé. À l'inverse... Mais le jour où tu vas le présenter, comment tu veux que ce soit perçu, comment tu veux que ce soit utilisé? Alors, c'est deux notions qui me sont très étrangères. Comment faut que je sois perçu? Ben, j'en sais rien. Comme la manière dont les gens peuvent le percevoir, c'est là où c'est magnifique, c'est que les œuvres ne m'appartiennent plus. Elles appartiennent à ceux qui s'y intéressent, que ça interroge, que ça intrigue. Et après, je laisse tel quel. Enfin, je les laisse fermer. C'est vraiment des conserves d'art dramatique, comme des bocaux qu'on n'ouvre pas, si tu veux. Mais à l'inverse, ce sur quoi je travaille en ce moment et qui me demande un temps et une concentration absolument phénoménale, de l'oralité, il ne reste rien qu'un vague souvenir, et chaque souvenir est dans l'incapacité de mesurer la durée du souvenir. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'enregistrement de l'oralité ne peut être perçu que par des machines. Là, l'espèce de Fennec que tu nous mets là va enregistrer la durée, la conversation. Elle va capter ce temps-là. Donc il n'y aurait que deux possibilités d'enregistrer ou de se souvenir de l'oralité. Eh bien moi, j'essaie d'en ouvrir un troisième. Et cette troisième, ça s'appelle le cycle de la pierre. Alors qu'est-ce que c'est que le cycle de la pierre? C'est qu'en ce moment, je transforme la parole en sédiment. C'est-à-dire que concrètement, je suis en train de lire la Bible que j'ai préalablement mis en ordre alphabétique. Ça m'a mis 9 ans, ouais. Ça y est, c'est fait. En fait, terminé. Explique que tu as pris les points, tous les points ensemble, tous les A, tous les B, tous les C. Alors oui, alors justement, les pièces qui sont à côté. Alors effectivement, j'ai décidé, et ça a été une épopée, enfin une traversée de 9 ans, où à la main, tous les jours, j'ai rangé en ordre alphabétique tous les mots de la Bible. Alors tu as coupé, tu as pris la Bible, oui. Tu as pris les pages et tu as coupé les A, les B, les C. Alors les... j'ai fait ça sur ordinateur. Okay. Mais avec un logiciel où je cherchais mot par mot. Donc c'est pas le logiciel qui me l'a fait. Parce qu'en fait, utiliser l'ordre alphabétique, pour moi, c'est une façon de mettre en scène les mots. Mais de mettre en scène les mots sans inventer une mise en scène. C'est inscrire dans l'histoire de l'écriture une mise en scène de mots qui perdure depuis que les Araméens l'ont inventée. En plus, ça correspond à peu près à une des périodes de la constitution des premiers textes bibliques. Donc, j'ai mis en ordre alphabétique, comme un metteur en scène, ce texte de la Bible qui ne fonctionne comme le texte de théâtre qu'à travers ses multiples interprétations. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure un peu rigolote. Et là, je transforme la parole en pierre. C'est-à-dire que je lis en ordre l'ensemble de la Bible en ordre alphabétique. J'enregistre chaque lecture via un logiciel en MP3. Et je capte mon souffle, donc la buée, la vapeur d'eau qui est émise lors de l'articulation de la Bible. Et ensuite, je laisse s'évaporer dans l'air. Donc c'est un acte très poétique, si tu veux. L'eau de la parole, et je ne récolte après évaporation que les petits sédiments qui s'incrustent dans chaque gouttelette. Donc je transforme la parole en sédiments. Et je garde cette mémoire de la parole dans la constitution d'une matière. C'est la matière de la parole. Est-ce que tu es le seul à t'avoir intéressé à ce genre de médium? Parce que c'est un médium, c'est une façon de percevoir l'art que très peu de personnes ont. Bah, j'en tu t'en fous, hein? Bah, je m'en fous pas vraiment, parce que c'est vrai que j'aimerais bien en parler, mais j'en parle très peu, tu vois, j'en parle très très peu. J'ai un travail très solitaire pour le moment. Ça fait longtemps? Bah, ça fait 9 ans. Et Oui, je pense que je suis. Je pense que je suis le seul fou furieux à faire ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené à voir l'art de cette manière-là? Et les deux petits messieurs dames. Eh bien, je vais te dire, je n'en sais rien, et heureusement, j'en sais rien. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de... Ce qui est très drôle, c'est de me dire, bah, j'ai fait quelque chose qui, a priori, devait être impossible, qui frise la folie. Okay. Alors que je pense être quelqu'un totalement sain d'esprit, ouais. Ou peut-être pas complètement, enfin, tu vois, ouais. Peut-être qu'il me manque une case. Ou qu'il y en a trop. Ou j'en sais rien, en tout cas. Bon. Mais ce qui est très drôle, tu vois, c'est de s'étonner d'avoir fait les choses. En fait, je m'étonne de faire les choses. Ça m'étonne. Est-ce que ça embrasse l'art brut? Ah, pas du tout. Ah non, c'est l'inverse de l'art brut. Non. L'art brut, si j'en pouvais en connaître une définition... celle d'un du buffet par exemple, c'est vraiment un geste qui est construit en dehors de tout savoir académique. Okay. Or, moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette... Non, au contraire, bah, je m'ancre... Bah, alors, étonnamment, je m'ancre dans une vraie tradition. Hein, je suis pas le seul à percevoir. Non, mais c'est... Mais je... Alors ça probablement paraît très présomptueux, mais non, je vais pas dire ce que j'avais en tête parce que ça peut paraître un peu prétentieux et j'ai pas eu envie de me mettre là-dedans. Mais si je m'inscris dans une histoire, c'est dans mon histoire d'interprétation des textes bibliques, comme nombre d'artistes en ont fait des représentations picturales. Et toi, ça n'a rien à voir avec tes conventions chrétiennes. Ah, mais je suis pas du tout chrétien, moi. J'en ai rien à foutre, hein. Mais vraiment. Et puis j'ai une aversion pour la religion. Non. J'ai beaucoup de respect, d'empathie aussi pour les croyances. J'ai une horreur, en détestation tout ce qui est de l'ordre du hiérarchique et du clergé. La sacralisation. Alors c'est pas pareil. Ok, vas-y. C'est pas pareil. Un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie, il me semble que je te l'en avais parlé peut-être déjà, c'est un livre de Henri Méchonic. Que tu as rencontré, hein, c'est ça? Mais non, parce qu'il est mort. Ah, il est mort, okay. Alors j'ai rencontré par livre, donc c'est une façon de rencontrer les gens, si tu veux. Mais physiquement, je n'ai jamais parlé. Quand j'ai commencé à le découvrir, il était déjà... Il mangeait les pâquerettes par la racine, il faisait bouffer par les nerfs, voilà. C'est un livre qui est très court, très très court, qui fait moins de 50 pages, je crois, qui s'appelle « Le sacré, le divin et le religieux ». Qui sont donc trois concepts qui réunissent une croyance, mais qui ont des définitions très précises et qui, évidemment, ne sont pas forcément poreuses les unes avec les autres. Or, les gens des religieux, ignorent la différence qu'il y a entre le sacré, le divin et le religieux. J'ai une détestation le religieux, c'est-à-dire le hiérarchique, c'est-à-dire le législatif, tout ce qui concerne la législation de la croyance. Ça, ce sont des hérésies au sens propre du terme. Par contre, le divin et le religieux, oui. Mais je ne suis pas du tout un mystique, hein. Pas du tout, du tout. Oh là là, pas du tout. Hein. Je suis un taiseux. Ben oui. C'est magnifique. Et cette recherche-là, en 9 ans, t'as amené à des conclusions, ou si c'est pas encore terminé? Alors, j'ai peur de ça, figure-toi. J'ai peur de ça parce que j'ai peur d'avoir conceptuellement terminé mon travail. Et qu'est-ce, qui te crains, qu'est-ce que tu crains là-dedans? C'est la finalité? Que je n'ai plus rien à dire. OK, c'est ça. Après ça, de trouver d'autres réflexions de création? J'ai l'impression que... Là, parce qu'en fait, ce dont je te parle sur les sédiments de la parole, ça, c'est un cycle. Mais j'ai déjà... pas anticipé, mais réfléchi à la suite, qui est en fait une réflexion très simple. Toute intentionnalité induit un formalisme. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on souhaite quelque chose, ce souhait ne trouve sa réponse que dans un objet qui est fini. L'intentionnalité de cette interview a pour formalisme l'enregistrement de notre entretien. L'entretien est le formalisme de ton souhait initial. Et que tous les objets, toute la création depuis la nuit des temps, participent de ce couple qui est indissociable, inséparable, et qui semble être allant de soi. L'intentionnalité induit le formalisme. Alors ça, c'est un truc que j'ai compris dernièrement. Par des réflexions? Oui, parce que je travaille tous les jours et que je note, j'essaie de comprendre un petit peu les choses. Et je me suis dit, est-ce qu'il est possible de sortir de ce couple-là, de ce schéma-là? Et il me semble que oui. L'idée, ce serait de ne plus avoir aucune intentionnalité, donc de ne plus fixer ni formaliser mon intention. Et comment est-ce que les choses se font ? Très ému parce que tu sais, toutes les réflexions que je mène, elles touchent des zones qui sont très... Très précieuses pour toi. Oui, et qui du coup sont des zones de très grande fragilité. Mais c'est bien d'être fragile aussi, tu vois. Ouais, bah oui. Et je crois pas que ce soit de l'impudeur de pouvoir les dire. Mais au contraire, peut-être de la confiance, toi, puisque je te fais confiance. L'idée, ce serait... En fait, de ne plus rien faire, mais de ne plus rien faire comme une sorte d'éthique. Ne plus rien faire ne veut pas dire de rien faire. Il consisterait en, et là c'est ce sur quoi je travaille pour la deuxième étape, pour la prochaine étape, à constituer en fait une main à l'échelle 1 de ma main droite avec mon index tendu. Cette main serait en biscuit de sèvres, c'est-à-dire une double cuisson d'une porcelaine avec du kaolin, ce qui fait qu'en fait le rendu est un rendu extrêmement blanc et très mat et surtout très très dur. Et je suis clair dans ce que je dis. Oui, très clair, oui, ben oui. Oh oui, très clair, oui. Non, mais moi, je m'abreuve, là, c'est pour ça, c'est pour je suis comme un peu hypnotisé, j'écoute. J'ai compris, alors je ne sais pas si c'est le domaine de la compréhension ou quelque chose qui s'y rattache, mais je pense que le premier mot, avant même qu'on articule, c'est-à-dire qu'avant même qu'on ait une connaissance du mot, de son signifiant et des possibilités d'être transmis à une oreille qui l'accueillerait et qui l'accepterait, c'est que je trouve que le premier mot, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un index tendu. Parce que, comme on a la radio, c'est un gens, geste, c'est un geste. Quand les enfants qui ne savent pas parler veulent quelque chose, ils montrent du doigt. Donc, ça veut dire que le premier mot, c'est l'index tendu. C'est le proto-mot. C'est dans le non-dit. C'est dans le non-verbal. C'est dans le non-verbal et c'est avant le langage. C'est avant le langage oralisé. Oui. C'est, donc, le premier mot, avant même que... C'est pas un mot. Ce n'est pas un mot, c'est un geste. Et ce geste-là, en plus, il mime, c'est là où c'est fascinant, c'est que ce geste de l'index pointé, non seulement désigne un objet à distance, donc il crée un espace entre l'objet et soi, de la même manière que l'on crée l'espace à partir du moment où l'on parle et que le mot s'échappe de notre bouche. Ah oui. Il y a une analogie, une sorte de similitude entre le fait de désigner et le fait d'offrir la parole par une extension de l'espace. Et l'idée, ce serait que je constitue cette main droite avec mon index tendu et que je ne fasse rien d'autre que de respirer pour que ma respiration se condense en gouttelettes d'eau que j'offre au monde. Et que ces gouttelettes d'eau retournent au cycle de l'air, retournent au cycle de l'évaporation, deviennent une petite goutte sur laquelle une petite fourmi va s'abreuver, mais que mon intervention participe d'un cycle et non pas d'un formalisme. Ah oui. C'est que peut-être que l'aboutissement de mon travail, ce serait de faire une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Avec ta salive. Avec mon souffle. Mon souffle. C'est-à-dire comment mon souffle, c'est-à-dire ma présence au monde, va générer quelque chose que je ne maîtrise pas et qui n'a pas d'autre intentionnalité que de ne pas se fixer. Et de retourner au cycle. Voilà. Et peut-être le que cycle c'est... naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intentionnalité sinon celle de participer à un mouvement auquel moi-même j'appartiens. Ce serait peut-être juste ça. Mais tout ce que tu mets de l'avant dans tes réflexions, est-ce que tu cherches à le présenter, à le proposer, à le raconter, à le relater? J'aimerais beaucoup, je ne trouve personne. Mais comment ça peut être proposé? Dans un musée, dans une Écoute, salle? Écoute, il y a des choses qui sont en préparation, qui sont en germination pour le moment. J'aimerais aboutir. Tout ce que j'ai entrepris depuis 4 ans a échoué. Tout. Pourquoi? Tout. Parce que je ne correspond pas à l'air du temps, parce que pour des raisons que j'ignore. Mais je ne considère pas ça comme un échec. Parce que ça m'amène à puiser une force qui n'en est pas une et qui m'amène à ne pas répondre à la question du pourquoi je fais les choses, mais simplement à les faire. Il n'y a pas de questionnement, il y a comme une mission, une réflexion. Je ne sais pas, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je n'en ai absolument... Mais tu te sens poussé. Tu te sens... Mais tu sais, je suis le premier étonné à faire ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Et tu ne peux pas faire autrement. Mais ça me rend fondamentalement heureux. Tu sais, quand ce matin, j'ai encore fait deux séances de lecture et j'avais il fallait que j'enregistre 2945 mots qui est comme, c'est O de ZME. Et que j'enregistre comme pour récupérer le souffle de ma parole pour la laisser évaporer. S'il y avait quelqu'un qui m'écoutait, il me disait, mais pauvre garçon, il faut qu'il soit... Il va le dire. Donc si tu veux, je fais ça chez moi. En même temps, ça me protège. Tu vois, en même temps, ça me protège. J'ai pas à m'exposer. Tu vois, j'ai pas à m'exposer. Mais t'aimerais ça que ça soit fait dans un musée. Être là devant, peut-être un plexiglas attaché, non, c'est une blague, un plexiglas. Non, tu vois, je... Ou filmer. Hell above and heaven below, all the trees are gone. The rain makes such a lovely sound to those who are 6 feet underground. The leaves will bury. Que j'ai fait une performance parce que dans cette histoire d'eau, de souffle, j'ai développé un projet de correspondance. Ces correspondances, j'appelle ça des lettres d'eau. Des lettres d'eau. Les lettres d'eau. Alors qu'est-ce que c'est que les lettres d'eau? Quand on écrit, de la même manière que l'on parle, peut-être plus quand on écrit. Quelqu'un qui nous est cher, à une amoureuse, à un ami, à quelqu'un qu'on aime fort, vivant ou mort. Enfin, tu vois, j'englobe l'amour au-delà, tu vois. Les mots que tu écris ne parviennent absolument pas à être en totale adéquation avec l'intensité de la pensée originelle. Donc chaque mot est une tentative échouée de la pensée originelle. Et c'est dans cet échouage, je ne sais pas si c'est échouement, je ne sais pas comment on dit, échouage, bon. On l'autorise. Bon, je sais pas. Échouement, enfin bon, peu importe. Voilà. On peut mettre de cette tentative, en fait c'est cette tentative permanente que je trouve sublime. C'est l'incapacité de toucher qui nous amène à constamment... Il y a quelque chose dans la parole de sisyphien. La parole est sisyphienne. L'écriture est sisyphienne. C'est-à-dire qu'elle ne parle... À chaque fois qu'elle fait, elle retombe pour remonter. Et on n'est jamais dans la capacité d'être au plus proche de la pensée originelle. D'où l'écriture permanente. D'où le fait qu'il y ait des écrivains, et qu'il y aurait toujours des écrivains, qu'il y aura toujours des poètes. Et des orateurs aussi. Et des orateurs aussi, oui. Oh, tu vois. Des citations. Oui, parce que je pensais à un statut d'orateur qui n'était pas le bon. Okay. Ah, d'accord. D'où mon hésitation. Okay. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'il y a la possibilité d'être au plus juste de la pensée originelle? C'est-à-dire de ne plus passer par la traduction et par la lacune de la traduction. Parce qu'on perd dans la traduction. Mais oui, mais bien sûr. Mais c'est, elle est merveilleuse, cette perte-là. Elle est extraordinaire, cette perte. Ce vide incomblé, il est sublime. Il est sublime. Et c'est, c'est, la... c'est un travestissement aussi, la traduction. C'est une tentative. Dans le travestissement, j'entends quelque chose de maquillé, j'entends quelque chose de... Ben, on essaie de représenter un terme, un mot, une phrase dans une langue qui n'est pas celle originelle. Mais oui, mais on ne sait pas quelle est la langue originelle. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle par est par exemple, ma langue. Là, nous parlons en français. Oui. Et lorsqu'on veut traduire dans une autre langue, on perd. Donc, on travestit. La langue. Je suis pas. Je vais essayer de la maquiller. J'ai du compréhensible. J'ai du mal avec le mot travestissement. Ok. Plus on est à Abbesse, on est à côté de chez Michou, chez les copains de la Damarture, ouais, tu vois. Non mais moi c'est un travestissement philosophique. Le travestissement, c'est-à-dire. Alors tu sais par exemple, Henri Méchenic disait et se battait contre ça, qui était un grand traducteur de la Bible. Il disait que souvent les traducteurs étaient liés à une activité ancillaire. L'activité ancillaire, c'était des activités de domestique. Or, par exemple, dans la notion de traduction, il a écrit des essais de la traduction que j'ai à la maison, qui sont très fouillés, que je n'ai pas toujours compris, mais ce n'est pas très grave. Quand tu ne comprends pas, toi, tu te sens à l'aise dans la non-compréhension? Ben, heureusement, je ne comprends pas tout. Okay. Hein. Mais heureusement, mais j'adore ne rien comprendre. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un bout de chemin à faire. Quoi. Il faut que j'ai des chemins qui s'ouvrent. Il faut que je les emprunte, ces chemins-là. Alors, tu vas chercher la lacune qui fait en sorte que tu ne comprends pas? Non, j'aime bien, par exemple, tu vois... quand il y a un truc que je ne comprends pas, bah, j'aime bien ne pas comprendre. Okay. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que j'ai du chemin à faire. J'ai encore des choses à acquérir. Mais oui, parce que comprendre... Alors, attends, il y avait une chose qui était... Ah oui, c'est une très belle phrase de... Bachelard qui disait, alors c'est pas la phrase exacte, mais il disait, parce qu'ils se sont satisfaits de comprendre, ils n'ont pas pu imaginer. Parce qu'ils se sont satisfaits de comprendre, ils n'ont pas pu imaginer. Comprendre, c'est se situer. Ne pas comprendre, c'est avancer. C'est se déplacer. Ah oui. Et moi, ce que quand j'aime, c'est... Quand tu comprends, c'est... tu t'arrêtes. C'est vrai. Tandis que quand tu comprends pas, tu... Bah, tu te déplaces. Ouais. Et c'est le mouvement qui est intéressant. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien ne pas comprendre. Alors, mieux vaut ne pas comprendre que comprendre. Parce qu'une fois que tu as compris, c'est terminé. Tu oui, mais enfin, bon, il y a... oui, mais il y a plein de choses qu'on ne comprendra jamais. Ouais. Tu vois? Et puis, c'est pas parce qu'on croit comprendre qu'on comprend. En plus, c'est encore plus compliqué, t'imagines? Ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis peut-être qu'on comprend une chose et que le lendemain on comprend moins. Ou qu'on comprend autre chose parce qu'on a vécu autre chose. Et voilà. Ça finit plus. Ben oui. C'est ça la beauté de la chose. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est l'espace vide. Oui. C'est l'espace vacant. L'espace qui potentiellement peut être comblé. En même temps, comblé par quelque chose, peut-être par quoi? Alors justement, je vais revenir à mes lettres d'eau. Comme j'ai compris que l'écriture était une traduction lacunaire de la pensée originelle, j'écris aux gens, mais je ne passe plus par l'écriture. C'est que je récolte mon souffle. C'est que le souffle est l'attestation de la pensée de l'autre dans le rythme de ma respiration. Donc c'est la présence de l'autre dans ma respiration. Donc quand j'écris aux gens, je leur envoie des petits cabochons de pensée qui a été envahi de leur présence. Ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils savent simplement que leur présence, que l'eau atteste de leur présence, de leur présence dans ma pensée. Et je ne leur donne que cette preuve-là. Donc il n'y a plus de déchiffrement. Il n'y a plus d'interprétation, il y a en même temps cette eau qui peut complètement s'évaporer. Et j'ai fait ça pour un, j'ai fait une performance au cimetière du Montparnasse pour quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claude Régis. Claude Régis, c'est un metteur en scène français qui est mort il y a 2-3 ans pendant le Covid, je crois. Qui m'a profondément marqué. Et je suis allé sur sa tombe avec un ami cinéaste et je lui avais écrit une lettre d'eau. Et j'ai simplement versé l'eau de ma pensée sur sa tombe pour que l'eau de ma pensée s'évapore sur sa tombe. Donc il n'y a plus de... Il y a en même temps un vide absolu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Et en même temps, ce je ne sais pas de quoi il s'agit, on s'en fout complètement. Mais en même temps, tu disais que l'interprétation n'était pas importante. Oui, mais là, il ne s'agit plus de traduire. C'est parce que si quelqu'un... Ben là, la personne est morte, mais si quelqu'un de vivant reçoit... Ben là, j'en ai envoyé une à mon mécène. Bon. C'est un cadeau. Oui, mais lui peut interpréter ce qu'il veut bien voir là-dessus. Donc, l'imaginaire continue. Exactement. L'imaginaire Alors, continue. Rien n'est terminé. Mais... Tu as lancé une bouteille à la mer, lui va la récolter. Sauf qu'il n'y a, pas de code de décryptage. Ben dans sa pensée, oui, il va fantasmer. Pour moi, c'est un des plus gros. Enfin, c'est l'acte de poésie le absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de support, il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de gestes, il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus d'interprétation, il y a. Par l'eau de la respiration, la présence pure de la pensée de l'autre dans notre pensée. Il n'y a plus de vers, il n'y a plus l'alexandrin, il n'y a plus tout ce fatras. Il y a juste, l'eau. Il reste le résultat. Parce que c'est le résultat de tout ça. Il reste le concret de la pensée. Que le concret de la pensée. Mais un concret qui est indéchiffrable. Oui, puis qui va s'évaporer. Et qui peut s'évaporer. Donc le concret ne sera plus. Oui, après il y aura le souvenir d'un concret. C'est ça. Et il n'y aura plus que la douceur du souvenir, ou l'émotion du souvenir, ou le trouble d'un souvenir. Je ne sais pas comment les gens réagissent quand je leur offre des lettres d'eau. Et comment tu envoies ça? Après, j'ai envoyé ça. Tu sais, j'ai envoyé ça par la poste. Oui, oui. Mais ça peut casser. Oui, non, ensuite, c'est des tout petits, okay. Piluliers que je scelle très, très fort, que je mets dans du papier aluminium. J'ai mis un petit mot en disant, voilà, tu es cette lettre d'eau et la preuve de toi dans ma pensée. Et puis j'offre, tu vois, c'est tout. T'as-tu un écho? Bah, pour le moment, j'en ai pas, on verra. Tu l'as envoyé il y a combien de temps? Il y a une semaine, mais c'est très bien que j'ai pas d'écho. J'ai pas envie d'une... Je sais pas. Mais très symboliquement, s'il prend la capsule et l'avale, Ben, c'est peut-être pas très... Non, parce que c'est un gros truc, hein. OK, OK. Non, puis l'eau, elle est peut-être pas très propre, hein, tu vois. Il y a peut-être des bactéries dedans, enfin, tu vois, c'est peu pas... Peu importe, c'est... Non, mais là, je lui disais, mais tu as la possibilité, soit tu le laisses comme ça, dedans, enfin, tu le laisses fermer, et puis l'eau, elle s'évapore un jour, soit tu l'ouvres complètement, mais ouvre-le dans un endroit qui te plaît, ouais. Et puis, comme ça, ma pensée va s'évaporer dans le paysage qui te plaît, tu vois, et tout d'un coup, ma pensée va être absorbée par les plantes. Ça fait penser à une phrase d'Artaud qui dit « Je reviendrai sous 10 000 aspects notoires, je reviendrai dans un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. » Ben, c'est peut-être que c'est la parole d'une pâquerette qui aura respiré mon poème 2. C'est bien, hein? Voilà, en fait, Artaud est la pâquerette qui aura respiré mon poème. Hein. Ouais. La boucle est bouclée. Ouais. Je voulais la citer hier, puis ça n'a pas fonctionné, là, ça sort. Ah ben super! Ouais, ouais. Parce donc, qu'en plus, ça fait partie de mon générique, de mon émission il y a 10 ans, parce que mon générique raccourci. J'ai eu des critiques, ouais, mais ton générique dure 8 minutes. Oui, mais ça raconte quelque chose. Pendant ce temps-là, je peux m'installer. Quand tu fais de la radio, l'autre émission se termine, donc quand je faisais du direct, donc ça prenait 8 minutes, on installait le truc, on disait que les personnages, c'est pas la réalité, ne soient pas offusqués, n'envoyez pas des... Ne blâmez pas l'animateur, parce que c'est les mots qui amènent les idées, on ne sait pas où on peut partir avec ça. Hein. Et parce qu'au début, j'avais eu des critiques. Et les gens étaient froissés. Ben, vas-y. Et donc, j'ai dû préparer un 8 minutes là, de mise en scène, de mise en situation. Et il y a Antonin Artaud que je citais là-dessus. C'était la dernière phrase du long 8 minutes. Qui racontait, je reviendrai sur 10 000 aspects notoires, je serai un corps neuf, où vous ne pourrez plus jamais m'oublier, Antonin Artaud, l'émission commençait. C'est beau. Artaud, je l'adore. Gainsbourg disait, le génie, ça démarteau, mais il y a des fois que ça rend marteau. Hein? As-tu entendu la voix d'Artaud? Oui, il parlait comme ouais. Ça, avec sa voix nasillarde. Mais quand tu parlais, il était habité. Oui. Il était habité par quelque chose, oui. Tu vois. Oui. Il était effrayant. Il était effrayant, effrayant. L'as-tu vu dans Napoléon? Comment? Napoléon d'Abel Gans? Non, je ne l'ai pas vu. Il a un petit rôle. Il joue aussi dans La femme qui entendait des voix dont. Elle se fait brûler, là, voyons... Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc. Elle fait... Ah, mais de Jeanne d'Arc de... Abel Gans. D'Abel Gans? Oui, oui. OK. Oui. Ah ben, je ne l'ai pas vu, celui-là. Et c'est le seul film muet qui m'a fait pleurer quand j'étais ado. C'est fou, hein? C'est parce que tu connais le... Mais je confonds... C'est pas un Murnau? Murnau, ça c'est un surréaliste. Murnau, ça rien, non. Non. Pourquoi j'ai Murnau en tête? Ben, peut-être que je me trompe. Ah, je sais pas. Mais oui, mais oui, mais c'est un muet, c'est ça. Mais oui, mais je l'ai vu, mais bien sûr que si. Oui. Je l'ai vu. Il y a une scène avec... Mais oui, mais je vois, mais bien sûr que je l'ai vu. Antonin Artaud, et il est en contre-champ. Ah, okay. Et l'intérêt, c'est que ce bonhomme-là a appelé... Le réalisateur, à chaque fois, je veux faire ce film-là. Mais le réalisateur, on est tellement rapide. OK, viens-t'en, je te prends. C'est à force de frapper à la porte qu'il l'a utilisé. Sinon, Non, je confonds avec Nosferatu. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est Murnau. Ça, c'est expressionnisme allemand. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, oui, mais je l'ai vu, ce film. Qui? Ben non, la mais le Jeanne d'Arc, oh, oui, tu me parles. Incroyable, hein? C'est Abel Gance qui a fait ça? Abel Gance, oui. Ah. Je me souvenais plus que c'était lui. Oui. Il est extraordinaire, ce film. Elle est habitée, la Jeanne d'Arc. Oh. Elle est hallucinante. Moi, j'ai pleuré. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais c'est parce que c'est d'une intensité folle. Oui. Tu n'as pas l'impression que c'est... Même quand les expressions sont un peu... correspondent à l'esthétique des représentations cinématographiques qui sont liées à l'expressionnisme allemand. Oh, mais, aussi, mais en même temps, c'est juste... Oui, c'est ça. Quand tu la vois pleurer, oui. Là, se lamenter, là... Et c'est jamais trop, hein? C'est jamais trop. Ah, mais ça me donne envie de le revoir, ouais, moi film. Aussi. Okay. Moi aussi, je vais le revoir pendant mes vacances qui se terminent bientôt. Ouais, ouais. Mais il y a des films comme ça que l'on voit... Mais t'es pas trop fatigué avec le nombre de personnes que tu vois? Ben, écoute, c'est comme un spectacle, c'est les gens qui nous alimentent, hein? Mais c'est quand je reviens dans ma chambre avec. Parce qu'on est. Nous sommes trois, mais là, on me place seul parce que je suis VIP. Oh! Hein? En fait, c'est. T'es où? T'es là, t'as à côté? Auberge de jeunesse. T'es où? 7 Aristide Bruant. Ah, mais j'écoute, je vois très bien. Et voilà. Ben oui, je vois très bien. Et donc. En face de la galerie US. Oui, donc, les deux dernières. La nuit dernière, j'étais seul, l'autre avant non, puis l'autre avant non plus. Puis c'était un petit couple d'amoureux. Il s'était fait un sorte de paravent avec les draps pour pas que je voie ce qui se passait. Puis il y a deux lits, mais les deux dormaient en dessous. Et puis moi, je suis du genre à retravailler mes trucs, hein, à mettre ça dans mon ordinateur. Donc je pense que je l'ai dérangé, mais il s'en allait deux jours après. Voilà. Mais t'as vu combien de personnes là depuis que t'es là? Ben, en tout, je devrais en voir. Mais là, il s'en rajoute. Là, mon ami Éric Vincent m'a filé un nom d'un auteur-compositeur-interprète, donc j'ai encore une case horaire qui vient de se libérer, mais je vais peut-être en laisser d'autres. Là. Mais au départ, je devais en faire 42, là, je suis rendu à 47. Oh mon Dieu! Oui, 47. Tu vas te lessiver le soir? Ben non, parce que je suis pris avec tout. Quand je réécoute, ah oui, c'est vrai, puis là, je devais juste écouter une bride pour savoir si le son était bon, puis là, je me laisse à... J'écoute pendant une demi-heure, ah, ça, il faut que je passe à l'autre, parce que non, puis je vais envoyer aussi sur Internet mes rencontres. Donc, non, mais c'est ça la passion, hein. Comme toi, c'est la passion. On mesure pas, on compte pas. Ah ben non, ça n'a aucun intérêt de compter. Mais est-ce que ça t'arrive souvent, toi, d'arriver à un moment où tu regardes là, tu dis, c'est pas vrai, mince? Non, parce que j'ai des horaires de bureau. Okay. Je suis très, très régulier. D'abord, je travaille très tôt. À 7h30, je travaille et j'arrête à 18h. Qu'est-ce que tu fais après ton travail? Je vais baiser. OK. Alors, ça te fait du bien, ça te fait oublier. Alors, tu as un nouveau copain? Non, je n'ai toujours pas de copain. Okay. Tu frappes aux portes? Ah oui, je frappe. Oui, je frappe très souvent aux portes. C'est les mêmes portes? Ah non. Okay. Non, je connais tout Paris maintenant. Pas juste dans le 18e. Non, je blague. Non, bah écoute, je sors, je vais au cinéma, je vais au théâtre. As-tu vu le Marguerite Duras? Non. OK. Non. La vie de Duras dans ces dernières années. Non. Non, mais j'ai un rapport contrarié avec le théâtre, moi, tu sais. Je sais. J'ai un rapport très contrarié avec le théâtre. Je ne comprends pas que les gens du théâtre se soient si peu interrogés sur leur métier. Je trouve ça sidérant. Mais je tiens à te dire que chez nous, on vient d'ouvrir un théâtre il y a quelques années, il y a 4 ans, qui s'appelle Le Diamant. Mm. Le mot est beau, hein, Le Diamant. Mm. C'est Robert Lepage, que tu connais. Ben oui. Alors, c'est sublimer le théâtre, c'est redonner le goût et la vie, le souffle au théâtre. À chaque fois, je vais tout voir quand c'est du théâtre. Quand c'est Robert Lepage, quand c'est le Diamant, parce que c'est gage de succès, d'intelligence, de réflexion. Il se promène partout, à Berlin, Belgique, partout. C'est un sacré gars, lui, hein? Oui. Tu le connais un peu? Alors, oui, de nom. Je n'ai jamais vu aucun spectacle, mais j'ai lu des articles sur lui. Je sais qu'il a été plusieurs fois au théâtre du Châtelet à Paris. Oui. Il me semble même qu'il avait pris la direction, non? Il a fait les aiguilles et l'opium. Oui, mais j'ai vu des images, des extraits. Okay. Mais bon, ce qui est idiot, parce que le théâtre, ça se vit. Hein, oui. C'est dans la confrontation des présences qu'existe le théâtre. C'est vrai. Mais... Alors, je pense que ce serait un théâtre qui te communiquerait plus avec toi. Oui. Bah oui, très probablement. Mais tu vois, là, je suis allé à la Comédie Française. Ah ouais, mais ça, c'est très... Non, mais tu sais qu'ils sont extraordinaires, quand même. Okay. C'est quand même des gens extraordinaires. Mais les metteurs en scène, ils sont mauvais. Mais c'est pas possible. Thank you.